God, we belong. That's just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be Hollywood. You know what I mean? Where them niggas go when we die? Ain't no heaven for a thug, nigga. Avec un peu d'amour, tu sais le monde serait si différent. J'ai trop peur du con, c'est vrai, tu t'en doutes, je n'ai pas dit que je l'enviais. Ces bâtards disent mes ancêtres, faut faire grandir les enchères. On se paye ma tête, j'ai une carrière, mais je n'ai pas dit que je la lançais. Des paradoxes, je n'ai rien à voir avec ces bêtes de foire. Regarde la lune pendant longtemps et tu vas peut-être me voir. Je m'instruis de tous ces cons, je me couche un peu plus bête le soir. Faut que t'arrêtes la fumée, man, faut pas que t'arrêtes de boire. En fait on se dit de la merde car on sait rien sur rien. C'est juste des hypothèses, t'es bien bâti mais ça ne t'assure rien. Comme personne et personne ne dira le con. Ne m'approche pas de trop près, non tu risques d'avoir des regrets. Et je dis pas ça méchamment, mais depuis peu, j'ai l'air nonchalant. Je veux faire parler le talent, le poids des mots, on fait des balances. J'avance petit à petit, mais rien de concret. Loin des yeux, loin du cœur, donc t'approche pas de trop près. Rester en vie, ne fais pas de toi un homme, et c'est prouvé. Tu cherches la bête, vas-y cherche, je vais te laisser trouver. Faut donner des sentiments pour pouvoir les éprouver. Y'a très peu de gens dans ma vie, mais au moins je les ai trouvés. Rester en vie, ne fais pas de toi un homme, et c'est prouvé. Tu cherches la bête, vas-y cherche, je vais te laisser trouver. Faut donner des sentiments pour pouvoir les éprouver. Y'a très peu de gens dans ma vie, mais au moins je les ai trouvés. Et je vais pas rester là, à poireauter, attendre le beau temps. Je n'attends plus ces crises de nerfs pour pouvoir prendre du bon. Sois content si je suis content, je te suis pas mais bon je te comprends. Et vivre avec quelqu'un en permanence c'est trop encombrant. Pour toi la vie a deux saignettes. Car quand t'apprends qu'on t'a trompé, ton sourire radieux s'émiette. Bah ouais la tête, j'bois de grosses tasses. Des coups de pute, des coups bas, des croches pattes. Les faux culs parlent mieux de ces merdes, on appelle ça des grosses tâches. Détruire ce que j'ai battu, c'est d'être, c'est trop star. À la recherche du bonheur, on tapote avec de belles carottes. Que des mythos, tu ventes la moche avec de belles paroles. On se fait la guerre car on ne connaît pas la paix. C'est pas la peine de dire je t'aime, façon tu vas la perdre. Car on perd tous un jour ou l'autre. Celui qui est dans la merde est aussi au bout du rouleau. Rester en vie, ne fais pas de toi un homme et c'est prouvé. Tu cherches la bête, vas-y cherche, je vais te laisser trouver. Faut donner des sentiments pour pouvoir les éprouver. Y'a très peu de gens dans ma vie, mais au moins je les ai trouvés. Rester en vie, ne fais pas de toi un homme et c'est prouvé. Tu cherches la bête, vas-y cherche, je vais te laisser trouver. Faut donner des sentiments pour pouvoir les éprouver. Y'a très peu de gens dans ma vie, mais au moins je les ai trouvés. Rester en vie, ne fais pas de toi un homme et c'est prouvé. Tu cherches la bête, vas-y cherche, je vais te laisser trouver. Faut donner des sentiments pour pouvoir les éprouver. Y'a très peu de gens dans ma vie, mais au moins je les ai trouvés.